mes bras, c'est un son test. Mon rap, c'est pour ceux qui grattent et qui contestent. Cherche pas la compète. Sache que si je perds, ça va faire mal. Allez, ton poli dans ce fils normal. Ton jeu, ça rap, ça fait le kite. Ton rap, il a fait fight. Y'a pas de quartier sans le bruit d'un frein ou d'un kite. Tu croyais qu'on était mort, non? On vient pour mordre. Alors, pendant qu'y'en a qui jactent et des hommes jouent les clairs à mort. Mes phrases te choquent comme ceux qui pètent des organes. Nique les flingues Tizer. Si on brouille, nous on choc, man. C'est pour ceux qui lèvent le Pfizer. Bien casqué pour braquer le volant. Faut savoir bien le braquer. Et si on te pète pas la chatte, on te pètera l'adducteur. Pour charmer, faut de la tchatch, mais surtout faire le flûteur. Tu veux jouer les grands, vendre tes grammes. Enfiler la cagoule, mettre les gants, péter des gens dans le casque intégral. Je vois de loin les gens qui veulent ma mort ou me voir sombrer. Si trop de cœurs sont brisés, c'est qu'il y a trop de cul cambré. Ils me connaissent pas, ils parlent. Ils veulent que tu finisses mal, mais ils savent pas qu'en ce moment c'est moi qui les malmène. Moi je les laisse faire. La route tourne comme Mars Impact, Rapole Black. Faut que tu ressentes l'impact. T'as des potes, mais qui étaient là quand tout allait mal. Quand y'a un bruit, ça courait devant toi, ça fait tout le temps le mac. Y'a la rage, le pouce, tout en mode animal. À quoi te sert ton chargeur si ton flingue tue l'homme animal? Si j'ai un fils, sûr qu'il fera du foot ou du rap. J'y dirais, fiston, tu prends des gifles le jour où tu grattes. Levez les bras, c'est un son test. Mon rap, c'est pour ceux qui grattent et qui contestent. Cherche pas la compète. Sache que si je perds, ça va faire mal. Allez, ton poli dans ce fils anormal. Levez les bras, c'est un son test. Mon rap, c'est pour ceux qui grattent et qui contestent. Cherche pas la compète. Sache que si je perds, ça va faire mal. Allez, ton poli dans ce fils anormal. Je vais remettre les pendules à l'heure. Je suis pas un surhomme, une balle suffit pour que tu rentres de l'âme. Je suis à deux doigts de prendre la lame. C'est pour les mains, la faim pousse à vendre des grammes. Tous des soldats, mais quand on perd un proche, on est au bord de l'âme. Je sors pas délai, j'ai pas la grosse caisse ni la grosse chaîne. Je fais pas du rap pour faire mouiller ces grosses chaînes. Je suis comme toi, en soirée je fais mes plans dans la Clio. Et si demain je perds maman, bat les couilles devant des kilos. Et ouais, j'ai fait confiance, j'ai donné le bras, on m'a tout pris. Moi je rappe pour ceux comme moi qui m'enégasse quand les autres roupillent. Je préfère la vie de rêve que la vie de merde. Cherche pas, je chatte pas, mais s'il y a quelque chose, mec, dis-moi qui me cherche. Regarde ce qu'on est devenu à force de zoner. Dieu merci, j'ai maman, sinon tu me verrais dans le bloc en train de charbonner. Parce qu'il me faudrait de la monnaie. Comment je ferais pour vivre, Maï? Celle-là, c'est pour mon quartier et pour toutes ces petites cailles. Y'a ceux qui représentent avec leurs petits crosses, ceux qui se prennent pour Ricross, et ceux qui disent rien, mais qui font et qui osent et qui te crossent, qui te palafrent sur le terrain, qui se baladent et qui disent si t'aimes pas tout, alors appuie, pose. La vie, c'est pas simple, y'en a qui touchent le paquet, y'en a qui guettent dans le quartier, ça crie à rat tous aux aguets. On veut tous une folle et des gros crosses dans la cave. 2009 entre potes, ça se crosse pour de la caille. De nos jours, je crois qu'il y a plus de chaînes que de faux man. Y'a ceux qui tapent dur le mois pour se payer de la romane. Y'a les frères au chômage, y'a ceux qui peuvent pas l'avoir. C'est la crise, mais on veut perdre une mort à la balavoine. La drogue nous soulage, elle fait qu'en soirée on envoie un courage. Demande à mon rat, quand c'est mal, ça se met sous hache. Les couilles, le courage, ça dort, ça veut les sous-cache. Ça haït les poucaves, ça veut le Ferrari faire le coup de gaffe. Le bras, c'est un son test. Mon rap, c'est pour ceux qui grattent et qui contestent. Cherche pas la compète. Sache que si je perds, ça va faire mal. Allez, ton poli dans ce fils anormal. Levez les bras, c'est un son test. Mon rap, c'est pour ceux qui grattent et qui contestent. Cherche pas la compète. Sache que si je perds, ça va faire mal. Allez, ton poli dans ce fils anormal. Si j'arrête le rap, c'est qu'on m'aura trouvé mort. G.U.L. solo, c'est pire qu'un corps à corps. La chute, j'sais pas si on pourra l'éviter. Y'a pas de surprise, toi-même tu sais que j'rappe pas pour me les vider. Tu tires hop, raté, le rap j'y fais dégâter. Les femmes c'est comme les bus, j'en prends une note si j'l'ai raté. J'suis pas porteur de mallette, ni braqueur de fourgon. J'suis celui que t'écoutes jusqu'à t'en rendre sourdant. Tu voulais des morceaux de ma life, j'te la raconte. Fais le mac avec tes potes, mais ne le fais pas avec ta daronne. Si tu me vois pas au quartier, c'est que j'suis en plan ou à l'évêché. Mon cœur c'est une poubelle, j'ai supprimé tous les déchets. Ma vie c'est drague, sonne une envie de braque. Des garçons, marque la monnaie, j'suis comme moi riche, veux le garçon. Il paraît que j'ai arrêté parce que j'avais rien pour poser. Et si j'baisse pas d'MC, c'est pour plus tard mieux les poser. Quand j'posais chez Drix, putain, rien que j'causais des dégâts. J'ai le poteau de ma pizza, bébé, vas-y dégage, vois tout moi. Même si toi tu dis que j'suis aveugle, la route tourne pas chez moi. Elle te fait fermer ta gueule, t'arraches des sacs. Ne crois pas que j'ai un vaillant, ça pourrait bien être ta maman qui se fait mettre à l'amende. Ne crois pas que j'me la raconte parce que j'ai fait un son qui t'a plu. C'est pour ce qu'ils vendent de cailloux avec sur la tête la capuche. Avec sur la tête la grapuche, on est là, ça sent le grapuche. Là c'est Joule de 009. Ne crois pas que je dors, yeah. Je fais de l'art et je veux de l'or. Je veux des dollars. Ok, 1, 3, 5, mec. Levez les bras, c'est un son test. Mon rap c'est pour ceux qui grattent et qui contestent. Cherche pas la compète. Sache que si je perds, ça va faire mal. Allez, ton poli dans ce fils anormal. Levez les bras, c'est un son test. Mon rap c'est pour ceux qui grattent et qui contestent. Cherche pas la compète. Sache que si je perds, ça va faire mal. Allez, ton poli dans ce fils anormal. Levez les bras, c'est un son test. Mon rap c'est pour